La mort de l'aigle. Quand l'aigle a dépassé les neiges éternelles, à sa vaste envergure, il veut chercher plus d'air, et le soleil plus proche, un azur plus clair, pour échauffer l'éclat de ses mornes prunelles. Il s'enlève, il aspire un torrent d'étincelles. Toujours plus haut, enflant son vol tranquille et fier, il monte vers l'orage où l'attire l'éclair. Mais la foudre, d'un coup, a rompu ses deux ailes. Avec un cri sinistre, il tournoie, emporté par la trombe, et, crispé, buvant d'un trait sublime la flamme éparse, il plonge au fulgurant abîme. Heureux, qui pour la gloire ou pour la liberté, dans l'orgueil de la force et l'ivresse du rêve, meurt ainsi, d'une mort éblouissante et brève.